Non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu, non vie nikomu. Je me rappelle, si je me rappelle, tu peux le faire. Fais la peste ce soir, faut une autre guerre. Pas nous pas de test, pas nous pas de test. Pas lié, rafale dans le bas de caisse. Faut que je passe sous terre, c'est pas fini. Moi je regarde toujours, je me vache sur ce qu'on me fait. Même des années après l'ancien, laisse pas traiter ta fille, on va la tromper. Un kilo pas si un petit par là, j'écoute pas mais j'entends parler. Tranquille, trompe mes trophées, aïe de me chauffer, je vais lui strapper 100 000. Non vie, ro et puta, Prozac 9-3 égale franca. Faire une chaussette, y'a pas de panca. La beuh dans le crâne de la braca. Y'a pas de condé, allô, rigo. Si tu décroches, allô, prison. Balance ton port, frérot, j'annique. Valet, ghetto, niveau de la nuque. Déclare le squat, on paiera jamais pour que t'as pas un nous chouette. Fais ton mali, moi je t'amène le squat. T'es mort au final, mais ma gueule, on vous souhaite. Souhaite. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Non vie et nikomu. Longue vie, nique ta belle maman, c'est plus la même qu'avant. J'suis dans le plat, mon ganté, je king alligator. On fait partie des grands. Longue vie, maman, ayo. J'm'envole vers Pattaya. Si j'grattais pas un euro, j'aurais déjà arrêté le peur. Longue vie, à Tony mec, j'suis derrière, gros fait belle. Quel effet, tu le booty check, j'suis Birdman, du Gucci man. Le compte en banque, blindé comme une porte, rabat dans la porte. J'peux pas big rab à perdre, j'peux pas big rab à perdre. C'est moi qui gagne, j'connais toutes les classes, j'connais toutes les failles. Rolex dans la fouille, au pays j'y perds le smile, mais je m'en bats les couilles. Longue vie, Kounia Mamao, GP et Cascaraï. Ta grand-mère, la pute en string, triple platine en stream. Longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu, longue vie et nikomu. Parle pas, va de l'avant, petit maghrébin vend de l'avant. Patate dans pomme d'Adam, j'ai la même bande qu'avant. Longue vie nikomu, que les mains faites pour leur sang dans des zoules. Pour mes bougnoules qui soignent coup de chasse aux Zitoun, disque d'or. J'aime toujours avec celui qui a prêté 20 euros et ton corps. La rue du sud c'est dans ta schneck, c'était ta queue. Avenue Montaigne, j'en rêvais. T'as vu mon teint, c'est l'été. Soulagé quand je suis sur Alger, tu m'en as un bon cas, je suis Rajel. Pas de cissa entre nous, c'est la même. Nos remets touchent les salopes. Ensemble on met la pression sur ces salopes. Fais de la corde, travaille le cardio fort. On veut au fond du fort. On disait non, à long terme c'est hard. Allume l'antenne, c'est wham. L'envie est dit comme